Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 21 juin et ça y est, c'est officiellement l'été, même si depuis quelques jours maintenant, grâce à la météo, on pourrait se croire déjà en été. Et bien ça y est, aujourd'hui c'est le jour officiel du début de l'été et c'est le jour de la Saint-Rodolphe. Ça vient du germanique signifiant loup renommé. Sociable et plaisant, les Rodolphes sont pourtant réservés de prime abord. Sensibles et émotifs, ils arrivent somme toute à bien rester maîtres d'eux-mêmes. Leur charme n'en est que plus grand. Vifs d'esprit, ils ont une compréhension rapide du savoir-faire et une capacité d'adaptation importante. Ils sont d'ailleurs rarement dépourvus d'humour et apprécient les joutes verbales dans lesquelles ils excellent. Ils savent être persuasifs le cas échéant, mais aussi entre deux tendances contraires, celle du 3, sensuelle, épicurienne et légère, qui les pousse à s'extérioriser, communiquer, dilapider, s'enthousiasmer, se disperser, et celle du 4, stable, conservatrice et morale, qui les pousse à construire, douter, persévérer et voir les choses de façon plus pessimiste. Ils ont de l'énergie, du courage ainsi que le sens des affaires et du concret. D'esprit logique et rationnel, ils préfèrent s'appuyer sur les démarches sensées de leur jugement plutôt que de se fier à leur intuition. Assez susceptibles et vaniteux, ils sont capables d'avoir de violentes crises de colère lorsqu'ils se sentent humiliés. Ainsi, leur comportement, du fait de ces vibrations contraires, est contradictoire, passant de l'impatience la plus folle dans un certain domaine à la patience la plus inattendue dans un autre, de l'extraversion à l'introversion, de la générosité à l'avarice, de la joie à la tristesse, les Rodolphes sont insaisissables et leur nervosité y contribue beaucoup. Et nous fêtons également les Gonzagues, ça vient du nom d'une famille noble italienne du XVIe siècle. Voilà des hommes directs, francs, décidés, plutôt autoritaires et directifs. Tout en étant réservés, prudents et méfiants, les Gonzagues sont charmants et cherchent autant à plaire qu'à faire plaisir. Souvent raffinés et élégants, ils soignent leur apparence physique, à moins qu'ils n'extériorisent simplement douceur et sourire. Ils sont volontaires, capables d'actions à long terme et d'efforts prolongés. Le travail ne les effraie pas, bien au contraire. Disciplinés, ils sont courageux et on fait souvent appel à eux car ils inspirent confiance. En revanche, ils ont tendance à l'égocentrisme ainsi qu'à la tyrannie et se révèlent ambitieux. Néanmoins, lorsque leur réussite n'est pas à la hauteur de leurs aspirations, lorsqu'ils sont critiqués ou lorsque leur amour propre est blessé, ils peuvent se montrer arrogants, arrivistes et parfois colériques. Mais en général, ils ont une bonne maîtrise d'eux-mêmes et ont besoin de vivre dans la paix et l'harmonie. Ils sont conformistes et ont des principes, même s'ils ne les appliquent pas toujours. Ils sont très pointilleux, maniaques, que ce soit dans leur profession ou ils font preuve d'une conscience professionnelle exacerbée ou plus simplement au quotidien. C'est ainsi qu'on peut les voir allergiques au désordre ou au moindre grain de poussière ou encore ne pas tolérer que leur relation ait un quelconque retard à un rendez-vous. Dicton du jour, au solstice d'été, si tu m'en crois, laisse la femme et prends le verre. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'humanisme, fête humaniste établie principalement dans les pays de la langue anglo-saxonne par l'Union internationale humaniste et éthique. C'est la journée internationale du yoga. Depuis 1982 en France, c'est la fête de la musique et également dans plus de 110 pays. Au Canada, c'est la journée nationale des autochtones pour reconnaître le rôle et les cultures des peuples autochtones, amérindiens, inuits et métis. Au Groenland, c'est la fête nationale qui marque le solstice d'été. Et au Québec, c'est la journée internationale de la lenteur. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale. Et en ce jour de fête de la musique, eh bien, il va y avoir pas mal de musique, hein, d'ailleurs, ce matin. Et on commence tout de suite avec Macumba de Jean-Pierre Madère. Bagage, quand Jean-Pierre Madère sur RGM, presque 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 21 juin 1933, naissance de Bernie Koppel, l'acteur américain connu pour son rôle du docteur Adam Bricker dans la série télé La Croisière s'amuse, vu également dans Charm, Beverly Hills ou encore Monk. 1950, naissance de Joey Kramer, musicien américain, batteur du groupe Aerosmith, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre Crying. Wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Voilà pour l'extrait d'Aerosmith. On reste en 1950 avec la naissance de Gérard Lanvin, acteur français. Vu dans l'aile ou la cuisse, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Les frères Pétard, Le Boulet, 3-0, Camping dans le rôle de Michel Sanjos, L'ennemi public numéro 1 dans le rôle de Charlie Bauer. Et il est la voix française du personnage de Manny dans les différents volets de L'Âge de glace. 1955, naissance de Jean-Pierre Madère, chanteur français. C'est également l'année de naissance de Michel Platini, ancien footballeur français, qui a fait carrière de 1972 à 1987 en jouant à Nancy, Saint-Étienne et à la Juventus de Turin. Il était l'entraîneur de l'équipe de France de 1988 à 1992 et président de l'UEFA de 2007 à 2015. 1961, naissance de Manu Chao, chanteur français, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Me gustas tú ». Mi corazón, te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Voilà pour l'extrait donc de Me gustas tú de Manu Chao. 1964, naissance de Doug Savant, acteur américain, vu dans le film Godzilla dans le rôle du sergent O'Neill, dans la série télé Côte Ouest, Melrose Place dans le rôle de Matthew Fielding Jr., 24 heures chrono, NCIS enquête spéciale, Desperate Housewives dans le rôle de Tom Scavo, Esprit criminel, Hawaii 5-0, Castle ou encore Lucifer. 1969, naissance de Martial Tricoche, chanteur français, membre du groupe Mano. 1973, naissance de Juliette Lewis, actrice américaine, vue dans J'ai épousé une extraterrestre, Les nerfs à vivre dans le rôle de Daniel Bowden, Starsky Hutch, le film dans le rôle de Kitty, la série télé Secrets and Lies dans le rôle du détective Andrea Cornell. 1975, naissance de Cyril Etes, comédien, humoriste français, découvert dans On ne demande qu'à en rire. 1978, naissance d'Erika Durance, actrice canadienne, vue dans True Calling, Compte à rebours, Andromeda, Stargate, SG1, Smallville dans le rôle de Lois Lane, Saving Hope, Au-delà de la médecine dans le rôle du docteur Alex Reed et Supergirl dans le rôle d'Allura Zor-El. C'est également l'année de naissance de Jean-Pascal Lacoste, acteur-chanteur français qui a participé à la première saison de la Star Academy. C'est comme ça qu'on l'a découvert et ensuite on l'a découvert en tant qu'acteur dans la saga de l'été, Le Bleu de l'Océan dans le rôle de José Ferreira, dans la série Section de Recherche dans le rôle de l'adjudant-chef Luc Irandonea, dans Père et Mère, Camping Paradis et Nos cher voisin. Et en tant qu'acteur, on l'avait connu pour le fameux titre L'Agitateur, souvenez-vous, ça donnait ceci, petit extrait. Je ne sais pas si c'est très académique, je ne vis bien qu'à travers la polémique. Moi mon train-train il est plutôt électrique, je garde rien, je préfère qu'on s'explique. C'est sûr je n'ai pas ma langue dans ma poche, c'est plus pratique pour rouler des galoches. Même en zig je mets la quinte dans la croche, je dis du bien et j'enchaîne les reproches. Je suis un agitateur, un provocateur. Voilà pour L'Agitateur hein, de Jean-Pascal Lacoste. On reste en 1978 avec la naissance de Rimka, rappeur français faisant partie du groupe 113 et notamment connu pour le titre Célébration. Petit extrait. 1, 2, S, S, 1, 2, 1, 2, test micro. Ça marche. Célébration, fiston, c'est royal, c'est de la frappe, c'est les paradis fiscaux. 113, je m'en fisco, j'y vais franc, quoi, j'ai rien. Tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Bro, calé, sur toutes les lèvres, ce soir c'est l'autre soir, on célèbre. Très bonne fumée, parfumée, avec le dernier parfum à la mode. Tu peux filmer, on s'est encaissé, rentre par la tête dans le GPS, tout droit, je la baisse. Voilà pour l'extrait de Célébration du groupe 113, 1982, naissance de William de Cambridge, prince royal britannique. C'est également l'année naissance de Benjamin Walker, acteur américain. Vu dans Mémoire de nos pères, Abraham Lincoln, chasseur de vampires dans le rôle d'Abraham Lincoln, 1985, naissance d'Amel Bent, chanteuse française, et également naissance de Lana Del Rey, chanteuse américaine notamment connue pour le titre Video Games, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you. Voilà pour l'extrait de Lana Del Rey. Et en 2005 est décédé Michel Rivegauche, parolier français ayant travaillé notamment pour Edith Piaf, Dalida, Maurice Chevalier, Fernandel, Bourvil, Luis Mariano, Yves Montand, Juliette Gréco, Nana Mouskouri, Lynn Renaud, Henri Salvador, Pierre Bachelet, Rika Zaraï et bien d'autres. Allez, on va retourner dans les années fin 90 avec Mano et son tube La Tribu de Dana. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dana. passion de druide et de magie. Tout attribu, le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Tana. On entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Tana. La tribu de Dana du groupe Mano sur le 107 FM. Il est presque 8h50 et on parle maintenant météo. La météo. Alors pour aujourd'hui, eh bien ce sera encore une belle journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages, des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés pour cet après-midi, pour vendredi du soleil, des températures qui vont diminuer un petit peu. Elles seront comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés l'après-midi. Pour samedi, ce sera une journée ensoleillée également, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin et entre 17 et 19 degrés l'après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis au tournoi du Queen's hier, Jérémy Chardy s'est qualifié en 2-7, 7-6, 6-3 face à Medvedev. Aujourd'hui, duel franco-français entre Julien Beneteau et Adrien Manarino. Djokovic, lui, affrontera Dimitrov. À Birmingham, il n'y a plus de Françaises dans ce tournoi puisque Mladenovic s'est incliné hier en 3-7 face à Rybarikova. 3-6, 6-2, 6-1 et Alizé Cornet s'est incliné en 2-7 face à Svitolina. 6-4, 6-2. À Majorque, hier, Caroline Garcia s'est qualifiée en 2-7, 6-4, 6-3 face à Larsson. Elle ne joue pas aujourd'hui. Et au tournoi de Halle, aujourd'hui, Benoît Paire affronte un certain Roger Federer. Allez, on s'envole pour la Russie. Et dans cette Coupe du Monde, hier, le Maroc a été éliminé après sa défaite 1-0 face au Portugal. L'Uruguay s'est imposé 1-0 face à l'Arabie Saoudite. Et décidément, le 1-0, eh bien, c'était le score d'hier, puisque c'est sur ce score que l'Espagne s'est imposée face à l'Iran. Aujourd'hui, à 14h, le Danemark affronte l'Australie. À 20h, ce sera Argentine-Croatie. Mais le match qui va tous nous intéresser, bien évidemment, aura lieu à 17h. Avec l'équipe de France qui affronte le Pérou. Et Hugo Lloris aura sa 100e sélection ce soir. Et on va jeter un œil sur la composition de cette équipe de France pour ce match aujourd'hui. Donc ce sera un 4-2-3-1 vraisemblablement, hein, comme on le dit depuis deux jours maintenant. Avec Giroud donc en pointe, suivi derrière de Matuidi, Griezmann, Mbappé. Ensuite N'Golo Kanté, Paul Pogba. Et en défense, ça n'a pas bougé hein, depuis le premier match, Hernandez, Umtiti, Varane et Pavard, et donc Hugo Lloris dans les buts. Et la France hein, qui peut déjà penser à la qualification si elle vient à s'imposer ce soir et que le Danemark s'impose face à l'Australie ou que le Danemark et l'Australie font match nul. Donc voilà, on va supporter les Bleus ce soir à 17h, tous derrière l'équipe de France pour eh bien, la victoire, on l'espère, face au Pérou. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Amel Bent qui fait son retour avec le titre « Si on te demande », qu'on écoute tout de suite. Rien. Ma vie est une série qui n'a pas de fin. Tu me trouves trop consignante, oui je le sais bien. J'essaie de rester souriante, ça maquille les chagrins. Et je dessine des cœurs sur les ratures. Je repeins mes peines au passé comme à 20 ans, rien n'a changé. J'en écris des je t'aime sur les murs. Mais contre vents et marées, les yeux secs, la voix est raillée. Si on te demande, est-ce que je vais bien? Dis-leur que je suis une mère, jamais une mère ne se plaint. Si on te demande, quand est-ce que je reviens? Dis-leur que je suis là, à quelques stations de train. Si quelqu'un te raconte que je me prends pour une star, je ne vaux pas mieux que toi. Si quelqu'un te demande si je suis franche tout le temps, dis-lui que d'où je viens, on ne fait pas semblant. J'en ai vu battre des cœurs sous les armures, souvent des gamines perdues, des bandits qui sont pas si durs. J'en ai écrit des je t'aime sur les murs, ramés contre vents et marées, les yeux secs, la voix. Demande le tout dernier titre d'Amel Bent sur RGM. Il est presque 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. 9h rediffusion de La Parole est à vous avec Michel, 10h30 durablement vôtre, 13h30 la rediffusion de la chronique de Michel, 14h rediffusion de l'émission Les Oreilles du Monde, 16h les années bonheur avec Gilou, 18h l'heure des loups avec Lou, 20h jukebox, 23h rock à la casse, bah, et on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.